frappe de bordel. On prend comme bateau et querelle. Mieux que le football où ce sport est éternel. Marrage entre les dents comme un os. La barre pendue à mes babines, j'avance comme un molosse. On me caresse pas dans le bon sens du poil, j'suis trop féroce. À la SPA, personne n'a voulu de moi. Trop moche le gosse, pas assez blond, yeux bleus, bande de nazis. J'vous tabasse un coup de crosse. Moi et mon compagnon de galère, on vient remuer les viscères. À base de plans tordus et d'un cruce bien viscère. On est armés, faites gaffe, on a la blague qui dégénère. Qui rend les gens fous, surtout les beaux-pères. Certains aiment séduire les filles de bonne famille et troncher les belles-mères. Moi mon truc c'est les stats de supporters. J'boycotte, j'mets les nerfs. On n'entend plus les chants derrière mon immense ghetto blaster. J'fais monter la pression en même temps que le son. Et quand ça pète je sors le lance-flamme. Planqué dans un bidon doublon. Car au con, on est en forme. Et on s'accroche pire que des morpions. Dans le ventre ça gargouille, la nuit se serre. Faut pas croire qu'on n'a pas la trouille. L'envie prend le dessus et vous arrose comme des gènes mouilles. Soif de bordel. On prend comme bateau et querelle. Mieux que le football, ce sport est éternel. Un peu comme Starmania ou comme les 2000 Mania. Quand on arrive en ville d'abord, on défonce la bac, on braque les barres, on prend notre part. Tu racoutes une barre, c'est enfer, ok ma barre. Et de ta tête je fais un carré. C'est marrant de pouvoir plonger cette ville dans le noir. On attaque à chaque coin de rue, soit t'es belle ou soit je dois te tuer. Tu es perdu, rien qu'à l'idée de m'affronter. En bon effronté je fonce et je te défonce le front. Mec c'est marche ou crève, tu nous suis ou tu ne te relèves pas. Et si je ne t'aime pas, je te réserve pire que ça. J'ai toujours adoré cette violence gratuite qui est nôtre. Car moi et mes apôtres on détruira tous les autres. On fout la merde, mieux que le 113, on est mille fois plus balèze. On provoque mal-être et malaise, on vous achève et on vous baise. Hooligan, polygame, 3 grammes dans le sang. Et je te l'enfile sans gants à la prostate entre les dents. Soif de bordel. On prend comme bateau et querelle. Mieux que le football, ce sport est éternel. Bordel de soif, j'en manque. J'ai les mains propres, j'ai envie de secouer la pulpe de la violence. Celle qui reste en bas dans l'errance. Il me faut ma dose d'émeute, j'ai une carence. La couleur de mes phalanges redevient comme dans mon enfance. J'ai tout tenté, claquer des gamins au jeu. Cracher sur les vieux, jeter des boules puantes dans la banque. Personne n'a moufté, j'ai dû accentuer la provoque. Hormure la merde qu'ils avaient dans leur froc. Y'a fallu boycotter des opéras avec du métal. Lancer des sandwichs empoisonnés, on crève la dalle. Danser la tectonique dans les QG de l'ONU. Fous de lacrymo dans un hammam et filmer les gens tout nus dans la cohue. Putain, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en peux plus. Bordel de soif, je te coiffe avec une scie. Je te plie et je t'aggrave comme trophée à pire. Ton tir me fait de l'effet, mais je préfère en rire. Pour finir tu es défait. Bagarreur pour une cause, celle de prendre du bon temps. Parfois écervelé comme trop de rappeurs que j'entends. Tu t'attendais à quoi? Les lois c'est pas pour moi. Et le grand banditisme franchement j'aime pas. Je préfère une escapade avec tous mes copains. Une fois qu'on est plein on offre quelques pains. Le bain de foule nous excite, moi et ma viande saoule comme chacal bas. Moi je fous ma cagoule. On déboule énervé par toutes nos histoires. Parce qu'il y a plus d'espoir et le soir j'aime boire. J'ai une soif de bordel, je froisse les cortex sur ce beat mortel. Et toi tu sors vexé. Soif de bordel, on provoque pas son querelle. Mieux que le football, ce sport est éternel. Tout le monde s'y met dès le plus jeune âge. Et un jour, Perdo nous dédiera reportage. Soif de bordel, on provoque pas son querelle. Mieux que le football, ce sport est éternel.